Bonsoir. Bienvenue à cette conférence ayant pour titre « Comprendre l'enfant Teflon ». Ce conférencier invité, Daniel Kemp, est déjà connu, je crois, par la plupart d'entre vous, soit pour avoir déjà lu un des livres ou écouté une des émissions que Daniel fait. Daniel Kemp, c'est un auteur de... Je vous lis un petit peu ce qui est marqué dans le dos du livre, au cas où il y en a qui ne l'auraient pas vu. Daniel Kemp est l'auteur des livres à succès, « Le syndrome de l'enfant Teflon », Savoir éduquer l'enfant Teflon et plus récemment, devenir complice de l'enfant Teflon. Donc, Daniel va nous décrire ce qu'est l'enfant Teflon tantôt. Et puis, il y a une première heure de conférence où je vais interviewer Daniel et une deuxième heure où, pendant la pause, vous aurez écrit ceux qui ont des questions sur le sujet ou sur des cas particuliers, vous aurez écrit vos questions sur un bout de papier qui vous sera disponible à la table à l'extérieur. Et à la deuxième partie, la deuxième heure, à ce moment-là, on répondra à ces questions-là. C'est-à-dire que je poserai ces questions-là à Daniel, il les répondra pour moi. Il y aura aussi, pour ceux qui voudraient communiquer ce qu'ils auront entendu lors de la conférence, à la pause, il y a toujours la cassette de la conférence. C'est enregistré sur cassette, donc vous pouvez vous procurer ces cassettes-là à la sortie. Donc, je voudrais vous présenter l'auteur de ces bouquins, de ces émissions, M. Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. Cette conférence ayant pour titre « Comprendre l'enfant Teflon », avant de comprendre ce que c'est un enfant Teflon, j'aimerais que tu résumes les caractéristiques qui peuvent nous définir ce qu'est un enfant Teflon, qu'on puisse d'abord le reconnaître avant de le comprendre. Bon, bien souvent dans le langage très populaire, c'est un petit monstre. Il y en a qui en ont. L'enfant Teflon, ce n'est pas un monstre, ce n'est pas un enfant à problème. Il peut devenir un enfant à problème, ce n'est pas un enfant violent, il peut devenir un enfant violent, c'est, comme la majorité des enfants, quelqu'un qui peut devenir bien des choses. Dans le début, lorsqu'on a commencé à parler de l'enfant Teflon, plusieurs personnes ont reconnu les enfants Teflon qui étaient habituellement uniquement à problème. L'enfant Teflon, c'est un enfant qui a quatre caractéristiques que l'on ne retrouve à peu près pas ou jamais réunis ensemble chez un enfant normal, traditionnel. Parce que c'est anormal d'être Teflon? Dans le cadre des normalités, être un enfant Teflon, c'est anormal. C'est marginal. Et dans le cadre des choses naturelles, bien, être un enfant Teflon, c'est simplement être différent d'être un enfant qui n'est pas Teflon. L'enfant Teflon n'est pas supérieur ou inférieur. L'enfant qui n'est pas Teflon n'est pas supérieur ou inférieur. C'est pas mieux d'avoir un enfant Teflon que de ne pas en avoir. C'est que si on a un enfant Teflon, il faut qu'on apprenne à travailler différemment. Exactement comme si on avait, dans notre famille, eu 8-9 enfants, ce sont tous des gars. À un moment donné, vient au monde une fille. Alors, est-elle anormale? Non, elle est différente d'une fille. Bon, alors oui, mais elle n'aime pas les jeux des gars. Peut-être qu'elle est mésadaptée socio-affective. Et non, c'est une fille. Oui, mais elle ne parle pas comme les gars. Mais c'est sûr, c'est une fille. Alors, c'est bien mieux d'avoir des gars, bon, dans un corps de gars, oui. Mais dans un corps de filles, non. Si tu vas dans une autre famille où on a eu 8-9 filles, quand vient au monde un garçon, ben, il est aussi anormal que la fille dans le corps masculin. L'enfant Teflon, c'est la même chose. Ce n'est pas une maladie. Bien que, de temps en temps, certaines personnes veulent leur faire suivre des thérapies pour les guérir. Comme si on voulait guérir une fille pour qu'elle devienne un homme. Ou guérir un gars pour qu'il devienne une fille, exactement. L'enfant Teflon est paramétré, il y a quatre facteurs très importants qui doivent être présents en même temps chez un jeune comme chez un adulte pour qu'on puisse dire c'est un Teflon. Pourquoi Teflon? Parce que c'est une substance antiadhésive, n'est-ce pas, qu'on retrouve dans les poêles de cuisine. Et finalement, un jeune me disait, quand on essaye de me cuisiner, moi, ça colle pas. il parlait de l'éducation, pédagogie. Effectivement, l'enfant Teflon est un enfant sur qui le cadre traditionnel colle très mal ou colle pas du tout. Nécessairement, si on essaie de conserver rigidement le cadre, ben, l'enfant va nécessairement éclater à l'intérieur, il va devenir mésadapté du cadre. Si on a un cadre d'affection, il va être mésadapté affectif. Si on a un cadre social qu'on veut lui imposer, s'il est Teflon, il va devenir mésadapté social. Nécessairement, il sera mésadapté socio-affectif. Il sera, bien souvent, si on a un cadre trop lent pour lui, il va devenir hyper-expressif. Et parce qu'on ne connaît pas l'hyper-expressivité, on va le cataloguer d'hyperactif. C'est quoi? On connaît bien ça. La différence entre hyperactif et hyper-expressif? Ça ne soigne pas de la même façon. Ça ne s'attrape pas de la même façon. Non plus. Alors, l'enfant Teflon a quatre facteurs qui sont intéressants et importants à retenir. Le premier, c'est qu'il est extrêmement intelligent. Alors que l'enfant qui n'est pas Teflon est normalement extrêmement intellectuel. On va définir les deux choses. Il est l'enfant Teflon, il a un développement psychologique précoce. Ça veut dire quoi? Je dois mettre le mot précoce alors que c'est faux. Dans le cadre de l'évolution psychologique normale chez l'enfance, l'enfant Teflon est précoce. Mais dans le cadre de l'évolution psychologique chez l'enfant Teflon, il est normal. Donc, si on a un enfant de 4 ans, puis on veut, si c'est un enfant Teflon, puis on veut le comprendre, on doit lire des livres de psychologie sur les enfants de 6 ou 7 ans. Pas sur les enfants de 4 ans. Parce que là, on va vouloir appliquer notre pédagogie traditionnelle sur notre enfant, puis il aura toujours l'impression qu'on est un imbécile. Il a compris avant qu'on comprenne. Bien, simplement, viennent parler en disant, « Allô, papa, il t'aime fort. » On va trouver que t'es pas mal niaiseux. Parce que j'ai un développement qui est différent. Nécessairement, si je continue, je persiste à vouloir éduquer mon enfant en fonction de la traditionnelle vision d'adulte et du développement des psychologies des enfants non Teflon, eh bien, progressivement, mon enfant va avoir l'impression que je suis un petit peu... Papa et tata. Ouais, papa et tata. Développement psychologique précoce, précoce par rapport à la traditionnelle évolution de l'enfance. Autre facteur qui doit être présent en même temps que les deux autres, c'est qu'il aura une puissance psychologique. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il est intelligent, on va définir ce que c'est qu'intelligence tout à l'heure, l'intelligence va lui amener un développement psychologique précoce qui nécessairement va l'amener à s'identifier. C'est-à-dire qu'il va vivre son identification psychologique, ce que l'adolescent vit pendant la crise de puberté, il va vivre ça entre 3 et 9 ans. Donc, progressivement et même rapidement, on va avoir affaire, on va trouver que notre enfant agit comme un adolescent alors qu'il a 8 ans. Il va développer rapidement une puissance psychologique et ça va lui permettre de résister à l'adulte. Il va être capable de dire non. On va le punir, il ne changera pas d'idée. Bon, il va être résistant. Il faudra qu'on marchande quasiment régulièrement tout ce qu'on voudra lui faire faire. Toujours faire des compromis, puis marchander. Ça, c'est le troisième facteur. Le quatrième facteur, c'est qu'il est presque pas culpabilisable. C'est-à-dire qu'il est presque pas ou pas du tout manipulable, donc culpabilisable par des raisons émotives. Si tu continues à faire cela, je t'aimerais plus. Et ça, ce sont des facteurs importants. Intelligence, développement psychologique précoce, puissance psychologique, presque non culpabilité. Si on a tout ça réuni chez un enfant, c'est un enfant Teflon. L'enfant qui n'est pas Teflon peut être teflonisable. Il peut être intelligent, développement psychologique précoce, puissance psychologique, mais culpabilisable par les facteurs émotifs. Il peut être non culpabilisable, mais pas intelligent, plus intellectuel. Il va faire les choses qu'il aura appris, il ne sera pas capable d'innover. Et il aura peut-être puissance psychologique. Bon, on a quelques enfants qui sont entre les deux. C'est assez rare. Habituellement, on a... plus de facteurs Teflon, donc les quatre réunis. Mais pourquoi tu dis teflonisable? Est-ce qu'il faut qu'on rende Teflon? Non, c'est que l'enfant peut, par le milieu, devenir similaire à un enfant Teflon, sauf qu'il devra toujours, il dépendra de certains facteurs que l'enfant Teflon n'aura pas à vivre. S'il est culpabilisable, de temps en temps, il pourra tomber en amour, souffrir énormément, puis etc. Ce que l'enfant Teflon ne fera à peu près pas. Il tombera pas en amour? Pas de la même façon. Et c'est pourquoi, bien souvent, beaucoup d'enfants Teflon sont catalogués mais adaptés affectifs. Il n'aime pas comme traditionnellement on considère qu'un enfant devrait aimer. Il ne souffre pas d'aimer, vu qu'ils ne sont pas culpabilisables par le facteur émotif. Si tu t'en vas en vacances, tu reviens un mois après, tes enfants sont presque pas ennuyés de toi. Et là, tu auras l'impression que les gardiens ont monté l'enfant contre toi. Tu auras l'impression qu'il y a un problème qui ne va pas. Tu auras l'impression que, etc. Ou tu vas dire à ton enfant, je t'aime. L'enfant va dire, moi aussi. Tu dis, oui, tu sais, mais si tu me prouverais que tu m'aimes de temps en temps, si c'est un teflon, immédiatement, il se décolle de toi, tu veux le manipuler par ça, ça ne marchera pas. Oui, mais tu me fais souffrir quand tu arrives en retard. Fais de la méditation transcendantale, fais quelque chose, cesse de souffrir. Bon, c'est parce que je t'aime que je te dis que tu ne devrais pas te colorer les cheveux en bleu. Cesse de m'aimer. Ça va régler tellement de problèmes. Et là, immédiatement, on a l'impression qu'ils ne nous aiment pas, qu'ils ont des problèmes affectifs. Alors qu'ils n'en ont pas. Ils ont des problèmes de relations sociales. Mais nous aussi. Okay? C'est la relation qui est problémée. C'est ouais. ce qui est problémisé. C'est pas l'enfant. Une relation, ça se fait à deux plus. Exact. Mais c'est sûr que si moi je reste dans mon cadre de perfection, puis lui, ça fonctionne pas, c'est lui qui est le malade. Ça, c'est évident. Et là, j'ai déjà parlé avec une personne qui travaille en psychologie, qui a des diplômes de psychologie, donc qui est psychologue. Enfin, qui a des diplômes de psychologie. Et elle me disait, il y en a, la majorité sont extrêmement ouverts et comprennent beaucoup de choses, mais il y en a d'autres de temps en temps que c'est naturel, elle est tellement psychologue, il faut bien qu'elle ait une petite partie qui... La personne me disait, et elle insistait énormément, parce que j'avais fait une conférence dans la région de Drummondville, et par la suite, elle me disait que je faisais l'apothéose psychopathe. Et elle considérait qu'un enfant qui, de toute façon, résistait à plus de 85% du cadre social actuel était nécessairement un psychopathe, un malade mental. Et on ne devait pas faire l'apothéose, dire que c'était correct. On devait plutôt les mettre dans des maisons et les soigner. Et elle me suggérait fortement de me faire traiter. Maintenant, moi, je lui disais que c'était intéressant parce qu'en Union soviétique, longtemps, c'est ce qu'on a dit. Les gens qui chiolaient contre le système, on les envoyait dans des asiles, dans les steppes. Et la majorité des dissidents soviétiques, ceux qu'on aime bien lire ou entendre, ce sont des malades mentales là-bas. De moins en moins. Parce qu'un être humain, à un moment donné, résiste à un système, il est malade mental. Il est mésadapté. C'est évident qu'il est mésadapté. Mais ce mésadaptage, est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on devrait vouloir le démolir pour intégrer le jeune? Ou si on ne devrait pas plutôt étudier ce que le jeune chiale pour voir s'il n'y aurait pas raison et moyen avec... les visions qu'il nous amène d'améliorer le système. L'enfant teflon, il est intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un enfant de 4 ans, on lui amène un jeu. Dans le jeu, il y a des petits trous, puis il y a des jouets qu'on doit placer dedans, avec des formes particulières, une étoile, un rond, un cube. Si l'enfant est intelligent, il regarde le jeu, il prend les bebelles, puis il les met dans les trous. Ou tu les lances au visage, là, mais disons qu'il les met dans les trous. Si l'enfant est intellectuel, il va prendre les bebelles, puis il comprendra vraiment pas qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec. Alors, tu vas prendre un truc, tu vas le mettre dans un trou. Ça y est montré, là, tu vas le mettre dans le trou. L'enfant, qui est intellectuel, va maintenant comprendre ta structure associative, la façon dont tu penses, et il va les mettre dedans. Ça, pour réussir les examens scolaires, c'est génial. C'est important. L'enfant doit être intellectuel pour réussir ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'il ne doit pas se faire une façon de réfléchir avant qu'on lui en montre une. Par contre, il doit être capable d'accepter la nôtre. S'il accepte la forme de mathématiques que l'on a, il va réussir. Mais s'il est plus intelligent qu'intellectuel, ça veut dire que s'il est capable d'apprendre des choses avant qu'on le lui enseigne, s'il se forme lui-même ses structures de réflexion, eh bien, à 4 ans, quand tu vas vouloir lui faire faire une chose que tous tes enfants de 4 ans font, déjà, lui, il va s'être fait une autre vision de la mécanique. Parce qu'à 4 ans, on l'éduque comme s'il avait 4 ans et qu'il a déjà 6 ou 7 ans traditionnellement dans sa psychologie, on est toujours en arrière sur son éducation. Donc, progressivement, on lui dit, tu as 7 ans, tu vas aller à l'école. Fais déjà 3 ans qu'il se prépare à pas y aller. Alors, là, on lui dit, c'est la loi. Ah, il a fallu qu'on dise bien avant que c'est la loi, puis que la loi, on devrait se plier à la loi, parce que déjà là, ce n'est pas ma loi. Je rencontre bien souvent des parents, et les enfants veulent décrocher en maternelle, en première année, en deuxième année. Et ça, c'est de plus en plus évident parce qu'il y a une chose qu'on doit savoir, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants teflons qui viennent au monde. Donc, et ça, je donne des conférences suffisamment dans les écoles secondaires, dans les écoles élémentaires, dans les garderies, pour me rendre compte qu'une personne qui fait 15 ans qu'elle travaille en garderie, elle va me dire, oui, c'est vrai que depuis 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans, il y a de plus en plus d'enfants à problème. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de séparation dans les couples? Moi, je me pose la question en tant qu'enfant teflon, mais je vais me dire, est-ce que je suis un enfant teflon parce que mon père s'est séparé de ma mère? Ou est-ce que je suis un enfant teflon parce que mon père bat ma mère? Ah, ils ne sont pas séparés. Flo, 15 ans, il y a moins de divorce. Il y a peut-être plus d'alcoolisme, il y a peut-être plus de batailles, il y a des chicanes à en finir. Parce qu'aujourd'hui, on va dire, il y a l'éclatement du noyau familial. Avant, il éclatait, c'était une implosion. Ça paraissait pas. Aujourd'hui, il éclate, c'est une explosion. Ça explosait par en dedans. C'est ça. Alors, les enfants étaient battus, peut-être. Les femmes étaient battues. Peut-être que le bonhomme aussi, des fois, était battu. Il y avait des problèmes internes sans arrêt, des disputes sans arrêt, mais on se divorçait pas. Est-ce que c'est un cadre parfait? Et aujourd'hui, on va dire, parce que ça éclate, il y aura ce problème-là. Et c'est faux de voir cela comme ça. Et ce qui est important qu'on retienne au minimum ce soir, c'est que la naissance de l'enfant Teflon, il y a toujours eu des enfants Teflon. Léonard de Vinci, c'en était un. Albert Einstein, que son professeur lui disait, lâche la science, joue du violon. T'as vraiment pas l'esprit scientifique. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit scientifique nouveau, neuf, non traditionnel. Bon, c'était un enfant Teflon. Il y en a eu régulièrement des enfants Teflon. Il y en a eu qui sont devenus des dangers publics, des criminels avertis. Peut-être que Mesrine, c'est un enfant Teflon. Puis il y en a plusieurs. Sauf qu'ils ne deviennent pas tous des problèmes, beaucoup sont devenus des facteurs intéressants au niveau des évolutions sociales. Mais on doit comprendre une chose, c'est que le milieu, ce n'est pas le milieu, le cadre familial, le cadre scolaire, le cadre social qui crée l'enfant Teflon. C'est comme de dire, en Chine, dernièrement, les jeunes qui se sont révoltés, c'était des enfants Teflon, hein, le cadre traditionnel ne collait pas sur eux autres, bien, c'est à cause de leur milieu familial. Les parents ont accepté de payer les balles de fusil qui ont servi à les tuer. Alors, le milieu familial était, je pense, suffisamment encarcanisé, là, dans un carcan, puis suffisamment traditionnaliste, puis abêti. C'est pas le milieu qui a créé ces enfants-là qui ont décidé que, moi, je gueule, puis si on me tue, ben, je meurs, mais je vis pas ici. C'est pas le cadre qui crée ça. Ils sont nés comme ça. C'est des enfants. Un défaut de fabrication. C'est ça. Le régime n'a pas prévu que ça viendrait au monde, mais il y avait suffisamment de balles de fusil encore. Bon. Dans nos sociétés, on n'a pas le même genre de vision. On va essayer, au lieu de les assassiner physiquement, bien souvent de les assassiner un peu psychologiquement, de les guérir, de les rendre normales. Quand, à un moment donné, les femmes ont voulu s'émanciper, qu'est-ce que les mâles ont dit? Toutes des maudites folles. Puis il y avait beaucoup de psychologues mâles et de psychiatres mâles pour te prouver des thèses qu'ils étaient folles. Il n'y a rien de mieux que d'être chez toi sans stress, à faire de la cuisine, à faire le ménage, à t'occuper des enfants, puis à attendre que le bonhomme vienne te dire qu'est-ce que t'as fait de pas correct. C'était tellement merveilleux. Prendre l'auto le matin, prendre l'autobus, aller geler dehors, aller chercher du stress, devenir ingénieur, comptable, médecin, à risquer d'attraper des maladies des autres. C'est tellement évident. C'est vrai, le mâle avait raison. Tant qu'il ne comprenait pas qu'à un moment donné, quelque chose comme de l'intelligence pouvait naître chez la femme. Parce que si tu deviens un peu intelligent, tu ne peux plus rester dans le cadre. L'enfant a la même, l'enfant Teflon, c'est similaire. Et là, les mâles vont dire, oui, mais les femmes, ils auraient pu se révolter bien avant. Ils ne pouvaient pas se révolter bien avant. Parce que l'homme était trop dominant? Non. Parce que la femme qui ne se révoltait pas ne pouvait pas se révolter. C'était pas chez elle de la révolte. C'était chez elle peut-être le chiolage. C'était chez elle différentes choses. Jusqu'au jour où, veut pas socialement, il y a des jeunes filles qui étaient différentes, ça n'a pas paru, qui sont devenues des femmes qui étaient différentes, ça n'a pas paru. Parlez-moi pas du milieu. Aujourd'hui, c'est sûr que le milieu va faire qu'une fille va vouloir devenir une femme, peut-être émancipée. Mais à l'époque de l'émancipation, le milieu ne se prêtait pas à ça partout. Mais dans la femme, il y avait un écœurement, parce que c'était historiquement chez elle qu'accumulait pendant depuis des milliers d'années un écœurement. Trouvons les raisons que l'on voudra. Est-ce que génétiquement, c'était quelque chose de neuf? Mettons les raisons que l'on voudra. Mais une chose évidente, il fallait qu'on finisse par prendre en considération que la femme était maintenant nouvelle, différente. Et ce n'est pas parce qu'elle ne collait plus dans le cadre qu'elle était malade. C'est évident qu'entre bonhommes, dans le bureau où qu'on parlait de fesses à journée longue pour faire un sacré, le fait qu'une maudite bonne femme se pointe là maintenant pour faire le travail avec nous autres, ça nuit. Donc, guérissons-la. Le fait qu'à un moment donné, on doit mettre des douches dans les casernes de police juste pour les femmes, parce que les femmes sont pas assez évoluées pour prendre des douches avec les gars, ça nuit. Guérissons-la. Sauf que si ces femmes-là sont pas malades, on pourra pas les guérir. On pourra en faire suicider quelques-unes, on pourra en droguer quelques-unes, en rendre quelques-unes alcooliques. Puis progressivement, il y en a d'autres qui vont apparaître, il va falloir qu'on change des choses. L'enfant Teflon, c'est quelque chose de neuf. Ce n'est pas prévu par le cadre social. Vu que ce n'est pas prévu, on commence par vouloir les guérir. Il y en a toujours eu, comme des femmes qui criaient, il y en a toujours eu. Mais quand il n'y en a pas assez, c'est facile que ça disparaisse. Plus il y en a, plus ça devient un problème. Et nécessairement, c'est un maudit problème qu'on a ses bras. Comme les hommes avaient, et certains encore qui ne comprennent pas grand-chose, ont encore un problème avec les femmes. Alors qu'en réalité, il n'y a pas de problème. C'est absolument génial que dans une société, que la majorité des individus daignent à un moment donné se dresser au soleil pour qu'on bouge socialement. Tant que tu es un monopole, ça va mal. Ceux qui sont dans le monopole, ça va bien. Quand tu es du bon bord, là, mal, ça va bien. À un moment donné, ben, les femmes veulent avoir une place. Il y a un problème, il y a des heurts, des guerres, des conflits. Il y a beaucoup de thérapies qu'on va leur amener. Puis à un moment donné, ben, il y en a qui ne veulent pas être guéris, ils veulent être comme ils sont. Et là, ça crée un autre cartel, celui de l'adulte, qui maintenant va engendrer un monopole de la vie, qui est celui de l'adulte. Et là, les femmes oublient vite. Les hommes, ça fait longtemps qu'ils ont oublié. Et maintenant, l'enfant, on va le traiter de la même façon. Mais là, l'enfant, lui, il est plus petit, là. Il est plus vulnérable, il me semble, que la femme l'était, dans ton exemple. Oui. Le cadre traditionnel est basé sur deux choses. L'enfant teflon n'est pas prévu, et au cas qu'il y aurait de temps en temps des ectopicités, là, des petits-enfants qui naissent, qui sont bizarres, eh bien, on a un cadre qui est social, donc qui est traditionnel, qui est incorporé dans la conscience familiale, dans la conscience scolaire, dans la conscience sociale en général, qui va être celui de... On doit les intégrer à notre système, par la suite, les convaincre de supporter le système. On va leur enseigner la chimie, on va leur demander de devenir ingénieur, de devenir médecin, de devenir astronaute, de devenir mécanicien, de devenir etc. Mais pour qu'ils acceptent, il faudra qu'ils accrochent dans le système. Alors, on va leur donner des règlements, des morales, des religions, des lois, des punitions, pour qu'à un moment donné, ils ne savent plus pourquoi ils ont fait le choix de la société, mais qu'ils le fassent. Pourquoi on a embarqué dans la société? Certains vont dire qu'on n'a pas eu le choix. Système d'intégration. D'autres vont dire, ben, c'est parce que si on veut être un citoyen respectable, intégré. Ils se sont fait intégrer. D'autres vont dire, oui, mais c'est logique, et il y a une certaine logique là-dedans. C'est possible. Il y a une logique qu'un auto-patrouille de la police de Montréal se promène sur les routes. C'est logique. Quand elle se pointe en arrière de vous, vous la voyez dans le rétroviseur, beaucoup se sentent coupables, regardent leur tachymètre, se demandent ce qu'ils ont fait. La police reste logique. Mais pourquoi on a accepté ça? Souvent par intégration. On a l'idée, on se sent coupable. Se sentant coupable pour ne pas vivre la culpabilité, on accepte plein de choses. Qui, même si maintenant on envoie l'intelligence, ce n'est souvent pas l'intelligence qui domine. C'est la culpabilité, la peur. Quand on se fait arrêter par un autopatrouille, il laisse le gyrophare allumé. Il faut que toute la société sache que tu es coupable. Et ça pogne bien plus qu'à contravention. Bon. Le système est basé là-dessus. Lorsqu'à un moment donné va naître un enfant qui, lui, est intelligent, c'est-à-dire que bien avant qu'on vienne le programmer à réfléchir, les Noirs, il faut que tu haïsses ça. C'est un nègre. Bon. L'enfant Teflon, lui, à 4 ans, il s'est déjà fait une opinion sur les couleurs de peau. Là, quand tu veux le monter à être raciste, il commence à taillir. Là, c'est évident que si on est dans le cul-cul-clan, cet enfant-là est totalement malade. Il faut qu'on le fasse soigner. Il aime les Noirs. Ça va plus. Mais, encore une fois, changeons juste le cadre, la vision qu'on a du cadre, puis l'enfant n'est plus malade pas en tout. C'est nous autres qui devons changer les choses. L'enfant n'a pas toujours raison, mais bien souvent, sa vision n'est pas colorée par notre tradition. C'est une vision neuve qu'il amène. Dans l'ancien temps, on va dire, parce que pour moi, dans l'ancien temps, c'est hier en descendant, lorsque l'enfant amenait une vision neuve, on l'intégrait. La majorité d'entre nous, on a déjà trouvé la société pourrite. Puis maintenant, il faut croire qu'on s'adapte très vite au fast-food, hein? On vit dedans, puis on s'en plaint plus. La majorité, vous vous êtes étouffé quand vous avez fumé votre première cigarette. Maintenant, on la fume, puis on s'étouffe plus. On boit de l'alcool, ça nous brûle la gorge. Maintenant, on la boit, puis ça nous brûle plus. Est-ce que ça veut dire que quand l'enfant vient de dire « fumer, ça m'étouffe », il a tort? Mais est-ce que l'enfant teflon, lui, ne s'habituera pas ou jamais au système? Non. Le problème, justement, qu'il y a, c'est que l'enfant teflon étant bâti totalement psychologiquement différemment de l'enfant traditionnel, si on veut lui imposer le système traditionnel, on va le tuer. Les jeunes, la première cause de mortalité au Québec, chez la jeunesse, c'est le suicide. Dans les statistiques, ça fait plusieurs années que je dis que c'est la deuxième cause. Dernièrement, on a annoncé que c'était la deuxième cause, mais on est toujours en retard un peu. C'est la deuxième cause, les statistiques partent de 15 ans, arrêtent à 25 ans. En bas de 15 ans, c'est pas des suicides, c'est des accidents. Quand un jeune glisse dans le métro, là, il s'est pas jeté dans le métro. OK? Faut bien comprendre la chose. Quand un jeune, à un moment donné, joue avec le revolver au service de son père puis tire son chum en pleine face, là, c'est un accident, c'est pas un pacte. Faut qu'on comprenne les choses comme elles sont. Quand l'enfant tombe, quand l'enfant se noie, c'est pas un suicide, c'est un accident. C'est évident. Parce qu'un enfant normal, ça se suicide pas. J'ai travaillé à Sainte-Justine assez longtemps pour savoir que les enfants qui meurent n'ont pas peur de la mort. Ils vont finir par avoir peur de la mort lorsqu'ils auront suffisamment d'ancrage, d'attache matérielle dans la vie. Là, ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont, là, ils auront peur de la mort. Mais tant que tout ce que tu as comme ancrage dans la vie, c'est ta maladie, la leucémie ou quelque chose dans le genre, franchement, la mort est extrêmement bienvenue. En plus, quand la seule attache que t'as dans la vie, c'est que faut t'aller à l'école quand tu trouves ça stupide, faut que tu fasses plaisir à ta grand-mère quand tu trouves ça stupide, faut que tu dises la vérité quand ça plaît à tes parents, mais que tu sois poli, donc que tu comptes démentir quand ça plaît à tes parents aussi, tu trouves ça stupide? Bref, finalement, quand tout le monde dans lequel tu viens de placer se heurte à toi, puis que progressivement on veut t'incorporer dans une religion où, après la mort, c'est un monde meilleur, à un moment donné, si t'es intelligent moindrement, tu vas voir. Et la première cause de mortalité chez nos jeunes est le suicide. C'est évident que si on veut forcer le jeune à s'incorporer, il y aura différentes formes de suicide. Décrocheur scolaire, il rate carrément ses notes scolaires, il ne fait plus rien à l'école. Il est là, il est présent. Il est présent, puis il niaise. Il dérange tout le monde. Il invente le burn-out. Il envoie les professeurs au burn-out régulièrement. Bon. Et puis, ça vue. À un moment donné, il peut décrocher simplement « j'y vais plus ». Niette, fini, capote. Bon. Mais pourquoi... Et il peut décrocher encore plus que ça, il peut s'alcooliser, c'est-à-dire démolir le cerveau pour commencer à aimer ça, aimer lui aussi, là. À être collectif, à être dans la gang comme tout le monde, il peut se droguer, puis il peut se suicider. Mais pourquoi il n'aime pas l'école? Parce que l'école, je vais poser la question autrement. C'est pas le bon gars qui posait cette question-là. Non. Comment pourrait-il aimer l'école? Juste pour bien comprendre, je crois bien que la majorité qui sont venus ici ont soit écouté les émissions, soit lu certaines choses sur l'enfant Teflon. Alors, il y a une période de questions de toute façon, c'est des choses qu'on doit ajuster, on les ajustera. Mais on va quand même partir avec l'idée que les gens connaissent un peu ce que c'est. Je dis, expérience vécue, on a une jeune fille qui va en première année. Ses parents, père et mère, travaillent en botanique. C'est-à-dire que, bon, une peut-être qui est des décoratrices en paysage, etc. Mais les plantes connaissent ça, les deux. La jeune fille va à l'école, et puis là, on a un travail à faire, un travail scolaire, et puis il faut planter une petite graine, là, une arachide dans de la ouate, hein, dans du coton, et puis ça pousse, et puis etc. Bon, parfait. La jeune fille, elle va dire au professeur, elle dit, moi, j'ai déjà fait ça depuis bien, bien longtemps, puis ça me tente pas de faire ça, c'est niaiseux. Bon, mes parents travaillent là-dedans, des petites kérégraines, je les plante en masse, fait que je peux-tu pas faire ça? Là, le professeur commence à l'argumenter que, premièrement, ça serait injuste pour les autres. Mais ça, cette fille-là, elle est teflonne. Puis on va le voir après. C'est injuste pour les autres. Et puis, de toute façon, t'as pas à décider qu'est-ce que tu vas faire à l'école. Si tu viens à l'école pour apprendre, c'est moi qui est le professeur. Ça, c'est le genre de raison pour qu'un enfant teflon vous goroche un livre en pleine face. Mais, traditionnellement, ça fonctionne. Là, la petite fille, elle rentre à la maison, elle ne s'astine pas, c'est sans doute un teflon doux. Parce qu'en passant, il y a des teflons qui sont violents, il y en a qui sont extrêmement doux. Il y en a qui sont chevaliers, il y en a qui sont autre chose. Rentre à la maison, puis elle dit à ses parents, ben moi, l'école demain, je ne vais pas. Pourquoi? Parce que c'est stupide, l'école. La maîtresse est stupide, c'est idiote. La petite fille, elle a 6 ans. Là, la mère, elle se dit, bon, ben je vais aller voir le professeur, hein. Il va y avoir quelque chose qui s'est passé. Fait que la petite fille, raconte un peu l'affaire de la graine, etc., puis elle n'en fait pas. Puis le professeur comprend pas ça, donc ça vaut même pas la peine. T'sais, comment veux-tu apprendre de quelqu'un qui est plus stupide que toi, point de vue de l'enfant? L'enfant avec la mère se rend à l'école, la mère lui explique qu'effectivement, on fait ceci, cela, cela. Bon, le professeur finit par dire, d'accord, je vais accepter de l'injustice pour les autres. C'est comme si, c'est très socialiste notre système d'éducation, en ce sens qu'il est illégal d'être plus intelligent qu'un autre. Ou d'avoir eu des expériences différentes. Exact. Alors, à un moment donné, le lendemain matin, le professeur dit à tout le monde, vous allez me ramener une plante qui pousse dehors. La jeune fille revient avec une plante qui pousse dehors. La maîtresse l'engueule parce que c'est une plante qui pousse dans la maison, ça. Et puis là, elle l'argumente, puis elle la punit. Là, c'est le père qui doit venir pour dire qu'effectivement, la plante pousse dehors. On a un immense jardin. La petite fille, là, elle est barrée. Elle ne veut plus rien savoir. La mère qui vient de conférence me dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle ne veut plus retourner. Eh bien, c'est ça, des illusions des dieux. Elle a découvert, à un moment donné, que les adultes n'étaient peut-être pas tous à la hauteur, même s'ils sont grands. Si on veut, bon, traditionnellement, le professeur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appliqué le système traditionnel d'éducation. T'as pas le choix. Puis la petite fille qui a 6 ans ne devrait pas avoir une puissance psychologique, ne devrait pas être capable de résister. La petite fille qui a 6 ans ne devrait pas avoir un développement psychologique précoce, donc théoriquement ne devrait pas avoir été capable de comprendre que le professeur avait tort. Qui, théoriquement, la petite fille, devant ce centre adulte et beaucoup d'enfants, vont accepter de laisser tomber le respect pour faire passer la sécurité en premier. Et c'est pourquoi que, traditionnellement, on va dire, l'enfant devrait aimer ses parents d'une certaine façon. Si tu punis injustement ton gars ou ta fille, puis que deux jours après, t'as sa tante du jouer dans les cheveux, là, tu souffres de manque d'affection, là, tu l'invites à venir pour jouer dans les cheveux, puis tu veux le coller ou la coller, si c'est un enfant teflon, tu as bien des problèmes. Et là, tu vas dire, bon, non, normalement, il devrait aimer ça. Il y a des problèmes affectifs. Il n'y a pas de problème affectif. C'est comme le bonhomme qui bat sa femme, puis à un moment donné, sa femme a s'émancé, puis la femme ne veut plus se faire battre. Quand le bonhomme, il rentre, il dit, asseoir, il dit, tiens, je t'aime bien gros, asseoir. Elle a dit, moi, pas encore, pas 20 mois. Elle est folle. Kim, ça fait déjà une semaine, je l'ai battu. Ah, de la mémoire. Ah, pas juste de la mémoire, c'est que là, présentement, le respect d'elle-même passe avant être normal, avant bien-être, c'est-à-dire sécurité, sans sécurité quand le bonhomme qui peut battre n'importe qui, là. Là, le respect commence à passer en avant. Et c'est une maladie, dans un cadre où on ne conçoit pas cela. La jeune fille, elle, ne veut pas aller à l'école parce qu'à l'école, on la bafoue. À l'école, on la niaise. À l'école, on la respecte pas. C'est pas vrai, mais c'est le contact qu'elle a eu là. Si l'adulte est au courant que l'enfant teflon, c'est un phénomène qui existe, il va agir différemment. On a tellement de façons traditionnelles qui sont extrêmement efficaces dans un cadre traditionnel et qui vont totalement créer l'inverse dans un cadre teflon. Un enfant teflon est un être doux. Habituellement. Il peut avoir des caractéristiques violentes que le milieu peut exploiter. Bon, dans une famille où on se bat régulièrement, si l'enfant a des caractéristiques psychologiques à la violence, il peut devenir violent. Si l'enfant a des caractéristiques à la douceur, rien à la violence, normalement, il va devenir alcoolique, il va se droguer, il va se suicider, il va faire une fugue, il ne deviendra pas violent. Alors, quand on dit, par exemple, le milieu rend les enfants violents, faire attention. Le milieu va exploiter des cordes. Par exemple, si je prends toutes vous autres ici, vous êtes des enfants, et puis je dis, on va vous montrer à jouer du piano. Le milieu, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va tout faire de vous des virtuoses? Non. Ceux qui ont déjà des cordes à jouer de la musique, à être musicien et musicienne, le milieu va vous permettre d'exploiter cela. Toutes les autres, ça ne fonctionnera pas. Alors, il faut qu'on sache, c'est évident que le cadre est important, mais il y a une nuance aussi, c'est que la matière de base, elle est aussi importante. Mais il faut quand même que dans l'éducation, il y a un certain standard. Donc, dans l'exemple que tu dis là, c'est sûr que tout le monde ne serait pas un bon pianiste. Oui. Mais si tu es professeur ou parent, puis que tu as 3 ou 4 enfants, ou 25 ou 30, c'est donc des parents ou professeurs, tu peux pas tous les éduquer chacun à leur façon, puis leur donner... Mais comment tu fais ça? Bon, voilà la question qui est intéressante. Je ne dis pas, et quand je vais dans les écoles... c'est-à-dire, les gens sont extrêmement ouverts, ils trouvent la même question, c'est « oui, mais on peut pas tout changer ». C'est pas une raison. C'est pas parce qu'on peut pas le changer qu'on doit dire non, on peut pas faire ça. T'sais, quand tu vas dire, par exemple, oui, mais là, les femmes veulent devenir pompiers, là. On peut pas mettre des douches pour les femmes. Fait que, disons que les femmes, ils tournent dans la cuisine. Non. On doit considérer qu'ils ont raison. Et ils devront comprendre qu'on peut pas te changer tout de suite. Tu dis, est-ce qu'on devrait enseigner individuellement à chaque enfant en fonction de ce qu'il est? Oui. Ça peut pas se faire. Tant pis. Mais il faut au moins qu'on commence à comprendre que c'est ce qu'on devrait faire. On peut pas mettre 10 enfants par professeur. C'est ce qu'on devrait faire. C'est pas parce qu'on peut pas le faire qu'on devrait dire « Ouais, c'est sûr qu'on peut pas le faire. C'est sûr que c'est pas brillant. C'est sûr que c'est pas intelligent. » C'est très, très, très intelligent. Surtout que plus tu auras d'enfants teflons, moins il faudra qu'il y en aille par classe. Ils sont souvent individualistes, difficilement collectivisables. Puis en plus, ce qui va arriver, c'est que tu envoies ton enfant dans un camp de vacances, il a 7 ans, on le met dans un groupe de 7 ans, il a 7 ans physiquement, il a 8, 9, 10, 11 ans psychologiquement, puis tous les jeux des imbéciles de 7 ans, il ne va pas faire ça. Alors nécessairement, il décroche, puis là, mes adaptés sociaux, encore une fois, puis là, on va vouloir lui expliquer qu'il doit se faire des amis avec du monde de son âge. Il se colle ses adultes, il pose des questions aux adultes, Il se tient avec des gens plus vieux que lui. Quand c'est des jeunes, les jeunes plus vieux veulent rien savoir d'un enfant plus jeune. Mais ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on doit dire on ne peut pas faire ça. Donc c'est vers ça qu'il faudrait tendre. Tu dis, il faut des standards, il faut de normalité, oui. La première normalité, qu'est-ce que c'est qu'une normalité? Une normalité, c'est un cadre dans lequel on va s'arranger pour structurer une façon de fonctionner. À l'école, on a un cadre. Les enfants doivent apprendre l'anglais, langue seconde, pour les Français. C'est mauditement brillant. Ils devraient même apprendre l'espagnol aussi. Ils devraient même apprendre peut-être une autre langue. Ça développe la façon de penser. Quand tu fais de la philosophie en anglais, tu n'as pas la même vision du monde que quand tu fais de la philosophie en français. Ça te permet d'augmenter ta conscience. C'est très bon. Le jeune, il a 8 ans. Vous êtes professeur d'anglais. Il vient vous voir au début de l'année et il vous dit, « Moi, je suis bilingue. Toutes mes amies, c'est des anglais. Je n'ai pas besoin de ton cours. » Fait que je ne vais pas passer une heure par jour, pendant 5 jours par semaine, à niaiser ici pour apprendre « table, chair ». Des conneries comme ça. Je suis bilingue. Je comprends qu'on doit apprendre l'anglais. Je suis bilingue. Puis, je l'ai à la bibliothèque ou aller dehors ou aller dans la salle de gymnastique pendant le cours d'anglais. Les professeurs vont dire, voyons, non, on va faire ça. On devrait pouvoir faire ça, merde. Parce que cet enfant-là, s'il a le moindre matéflon, c'est l'école au complet. Tu l'écœures de l'école au complet. C'est bien simple. Dis à un employé de ta compagnie, qui vient te voir, au début, tu l'engages, parfait. Tu commences à 8 heures, il y a une pause à 10h30, là, c'est le temps d'aller aux toilettes. Tu n'as pas aux toilettes avant ça. Bon. Après ça, il y a le dîner, là, c'est le temps d'aller aux toilettes aussi. Et tu ne vas pas avant ça. Bon. Là, l'employé, à un moment donné, il a envie d'aller aux toilettes avant. Il vient te voir, est-ce que je ne suis pas allé aux toilettes? Pourquoi tu n'as pas été avant de commencer ton chiffre? J'ai pas envie. Tu n'as rien qu'à avoir envie. Combien d'adultes ici allaient trouver ce cadre-là brillant? Mais dans les écoles, c'est comme ça. Question de normalité. Tu sais, le petit maudit, la petite maudite, là, s'il sort de la classe, là, il va aller faire des conneries. Comme vous en faites vous, vous en profitez pour aller vous chercher un paquet de cigarettes, peut-être. Vous en profitez pour aller vous chercher un jus. Mais est-ce que vous mettez le feu à la société? Mais il ne faut pas faire confiance à l'enfance. Faut pas. Danger public. Alors, oui, mais là, à un moment donné, il va vouloir aux toilettes 4-5 fois pendant l'heure de cours. Puis, qu'une fois, ça va être vrai. Mais tu découvres qu'il aime l'école. Parce que, justement, de temps en temps, il peut gagner sur l'école. Puis, il continue à venir à l'école. Puis, c'est pas un problème, l'école. Parce qu'il peut jouer, il reste un enfant dans l'école. Puis, il casse pas tout. Tout d'un coup, que ce serait ça à place. Non. 14 ans, les enfants sont dans une polyvalente, et là, il y a le directeur de l'école qui commence à parler, au début de l'année. Il essaie un peu de copier Jean-Marc Chaput, et il essaie d'imiter, de motiver les élèves à réussir leur année scolaire, puis de fixer un but dans la vie, dans l'année scolaire, puis de faire plaisir aux parents, puis de se sentir bien le soir quand ils vont se coucher. C'est bien correct, ça, c'est comme de me dire, moi, là, c'est, tu es dans l'armée, tu vas aller tuer des ennemis, puis plus t'en tues, tu vas mieux dormir le soir. Oui, si j'aime tuer, c'est vrai. Mais si déjà j'aime pas tuer, il aura beau faire le baratin qu'il voudra. Je dormirai pas mieux le soir, j'aurai pas le but dans la vie de tuer 150 ennemis par année. Ça marchera pas, son affaire. Alors, on passe à côté de la traque. Mais là, tu sais, moi, j'étais en arrière, puisque ma fille, j'avais été avec elle. Plein de jeunes, avec des parents. Plusieurs jeunes qui sont là, sidérés par le bonhomme, puis c'est donc vrai qu'on serait bien si on dormirait mieux le soir, si on aurait des meilleures notes, si on manquerait pas à l'école. Ce sont des enfants normaux qui sont récupérables par le système de culpabilité. C'est vrai que je ne me sentirais pas coupable si je ferais tout ça. Tu as d'autres jeunes qui sont là, puis qui croyaient un peu, puis qui se montent, puis qui ont le Walkman, puis le Walkwoman, ses oreilles, puis ils écoutent un peu. Bon. Et puis à un moment donné, le directeur, il y va, puis là, il dit, vous savez, l'école, c'est extrêmement important. Vous ne devez pas arriver en retard. Chaque fois que vous arrivez en retard de 5 minutes, c'est 5 minutes de matière importante que vous manquez. Il a raison. Oui. Et quand vous arriverez en retard, pour vous prouver que c'est important, ça nous tient à cœur, le professeur va vous envoyer à mon bureau chercher un papier. Là, le Teflon se dit, si j'arrive 5 minutes en retard, il m'autorise à en perdre 20 autres pour aller chercher un papier. Faut pas, c'est ce qui est Teflon. Mais là, immédiatement, je vois quelques couettes de jeunes filles et quelques gros trucs de gars, là, commencer à décrocher tout de suite. Là, ça commence à rire. Tu sais, il est calme. Mais ils disent pas pourquoi qu'il est cave. Mais là, tu commences à voir quelque chose qui va pas. Là, à un moment donné, ça va être, il y en a un qui glisse, « Ouais, mais tu sais, quand j'arrive en retard, je dérange le prof. Faut croire qu'il aime ça. Et ben oui, c'est le directeur. Faut que je refasse une deuxième entrée dans la classe. Dérange encore deux fois. » Mais là, le directeur, il continue. « Après trois retards, on vous retourne chez vous pour la journée. » Ça, c'est normal, ça. Là, tu vas dire, « Oui, mais c'est important qu'il arrive à l'heure. » Oui, mais il ne faut pas qu'un enfant soit trop intelligent pour se rendre compte que l'école, on s'en fout royalement en tant qu'adulte. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils nous obéissent. L'école est une prison, un système carcéral. Même les annonces à la télévision, au début de l'année scolaire, la bonne femme est là, puis bon, on fait passer des crayons, des bébelles, des paquets d'enfants qui sont là. Hey, j'ai-tu hâte que l'école recommence? Pourquoi? Pour me libérer des enfants. C'est la colonie de vacances hivernales. On les envoie là-dedans. Puis là, l'enfant qui sait ça, qui voit les annonces, qui se rend bien compte, c'est vrai, les parents leur disent, moi, toujours c'est autre que l'école recommence. Bon, veut pas l'école, c'est pas pour aller apprendre l'école. C'est le grenier de la société. Bon, le silo, l'oubliette. L'entrepôt. Mais là, rendu à l'école, en plus, le directeur vient prouver à ces enfants-là que c'est en plein ça. Ce qui est important, c'est que vous soyez à l'heure, parce que vous dérangez quand vous êtes en retard. L'école, on s'en fout! La preuve, vous dérangez trois fois à maison. Si vous écœurez assez vos parents, ils vont vous botter le cul pour que vous arriviez à l'heure. Vous essayez de nous déranger. Bon. Sauf que l'enfant qui était flon, lui, quand il écoute ce genre de discours-là, l'école, il dit, oh, plus, ça colle pas. Alors que toutes les autres, ça colle. Bon, un enfant, bon, dernièrement, il y a un enfant de 9 ans qui est obligé d'appeler ses parents pour leur dire qu'il avait oublié son devoir à la maison. C'est l'école a forcé le jeune à téléphoner à ses parents. C'est « Écœure ta mère ». On s'en inquiète pas. Et là, c'est un système qui normalement fonctionne. Les enfants qui ne sont pas teflons vont se sentir, mais alors là, coupables, ils vont transpirer, ils vont appeler, puis, mais faites-en pas qu'ils vont rentrer dans les rangs. Ça, c'est le système d'intégration. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est très bon. Pourquoi? Parce qu'un être humain qui a besoin d'un cadre de sécurité, donnez-lui pas un cadre de logique. Il va développer sa logique en devenant adulte, il va développer sa logique dans son cadre de sécurité, puis il n'y aura pas de problème. Parce qu'on dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Ça a de l'allure. Il y a beaucoup d'enfants qui vont apprécier de se faire disputer, même de se faire battre, de temps en temps, pas fort, par les parents, ils se sentent bien là. Alors, on ne doit pas dire, voyons donc, si ça n'a pas d'allure, etc. Non, non, c'est extrêmement fonctionnel. Et ça a de l'efficacité. Un enfant qui a des problèmes à l'école, à un moment donné, ça peut être de l'attention, de l'affection qu'il a besoin, ça va fonctionner. L'affection peut prendre différentes facettes. Mais si c'est un enfant teflon, alors là, on passe carrément à côté de la traque. Un enfant teflon n'a pas besoin d'affection? L'enfant teflon a besoin d'affection, mais l'enfant teflon a besoin de respect bien avant d'avoir de l'affection. Il ne peut pas supporter ton affection s'il n'y a pas le respect, parce qu'automatiquement, ton affection sera une porte d'entrée pour le manipuler. Mais c'est quoi le respect pour l'enfant teflon? Le respect pour l'enfant teflon... Là, pour tous les enfants, le respect, c'est le respect? Non, pas pour tous les enfants. Non? Tous les êtres humains ont besoin de respect. Mais tous les êtres humains n'ont pas la même vision du respect. Si moi, je bats ma femme tous les jours, puis une fois par semaine, je ne la bats pas, elle va dire, je la respecte. Elle ne se respecte pas, elle. Donc, elle accepte ce que moi, j'appelle le respect. C'est pas la même chose pour tout le monde, mais l'enfant teflon, il a différentes choses, lui. On a un professeur qui, c'est toujours des histoires vécues, c'est tellement plus facile, puis il y en a en masse. Cours de français, secondaire 2, début d'année. Comment convaincre les enfants d'aimer un cours de français à l'école? Déjà que ça parle pas nécessairement bien à l'extérieur, déjà que la majorité des animateurs et animatrices de radio trippent énormément sur toutes les shows qui se passent un peu partout et qui sont weird, c'est bien compliqué de considérer qu'effectivement, le français, ça va t'amener quelque part. Bon. Cours de français, en plus, le français est une langue bâtarde d'une façon absolument géniale. La lettre O, ça peut s'écrire O, A-U, E-A-U, A-U-L-T, E-A-U-L-T, A-U-T. Ouais, bon. Des fois, ça prend deux L, des fois, ça prend deux P, des fois, ça n'en prend qu'un, etc. Des fois, ça s'écrit comme ça se prononce, des fois, ça s'écrit pas comme ça se prononce. Bon. Alors, voilà, c'est intéressant. faut que tu apprennes une langue qui est devenue totalement illogique à cause de personnages qui, dans l'Antiquité, étaient payés à la lettre quand ils faisaient des copies, là, les moines. Puis là, comme ils étaient payés à la lettre, on comptait le nombre de lettres qu'il y avait dans un livre, puis les autres, ils transcrivaient à la main. Hein? Gutenberg, à l'époque, n'était pas encore venu au monde. L'imprimerie n'existait pas. Alors, ils ont rajouté ils ont compliqué, puis ils ont rajouté en masse de lettres pour être plus payés. Et puis, il y a d'autres raisons pour ça qui sont rajoutées là-dedans. À cause de ça, nos enfants doivent apprendre. Moi, ce que j'aime bien, moi, c'est que j'écris un texte et puis j'ai zéro uniquement parce que j'ai pas compris leur système totalement illogique. J'ai pas pensé qu'il fallait mettre un OULT là. Mono, M-O-I-N-O. Mono. Mono. Mono. Mono. Allô, A-L-O. Allô. Bon. Suzy, S-U-Z-I. C'est facile. Bon. Mais le S, c'est S. Non, de temps en temps, c'est Z, Z. Ah, oh, merde. Le C, c'est comme un cuc. Mais de temps en temps, c'est un S. Oh, où on va avec ça? Et là, en plus, je coule. Le prof de français, qui est extrêmement piqué ses séparatistes à l'époque, lui, vous devez comprendre l'importance du français. Le français, c'est important. C'était un prof Teflon. La preuve, il était à l'index dans l'école. Bon. Et il avait de très bons résultats avec les problèmes. Les enfants avaient problème. Et là, il répète que c'est important, il explique des choses, puis ça cogne à la porte, puis il y a le directeur qui rentre, directeur du secondaire 2, qui dit, bon, ben là, j'aurais besoin de tel élève, tel élève, tel élève, tel élève. Le professeur, il donne un gros coup de poing sur la table, puis il dit, non, restez assis! Là, il est parti donner de la marde au directeur. Ils sont allés faire un tour dans le corridor. Là, il est revenu. Le français, c'est important. S'il veut venir vous chercher, qu'il vienne vous chercher dans les cours de physique, de chimie ou d'anglais. Tout était flon dans la classe, qui n'avait pas trop compris pourquoi c'était important. Pensait que c'était sans doute important, mais on avait manqué quelque chose. Mais c'était sans doute important. Le bonhomme en avant est un être respectable. Tous les enfants Teflon du monde tombent en amour avec ça. Il est respectable. Il dit quelque chose et il maintient ce qu'il dit. D'être capable de supporter ce qu'il dit. Il est respectable. Parce que là, le directeur vient, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il y a du monde qui ne savent pas que c'est important le français. On retire les élèves. C'est arrivé en retard de 30 secondes, ah, que c'est grave. Quand on leur tire, ils vont dire que le directeur, pas grave ça. Mais il manque pas de matière importante quand le directeur s'en mêle ou la directrice s'en mêle. Le Teflon, donc, pour être respecté par les enfants Teflon en tant que parents, que professeur, ce serait un des trucs. C'est pas juste un truc, il faut être capable de le faire. Oui. Il y a du monde qui, c'est, effectivement, moi, je suis en réalité. Regarde, je donne souvent un exemple évident d'éducation d'enfants Teflon qui dresse les cheveux sur la tête de ceux qui en ont, vraiment. C'est... Ça ne doit pas t'arriver souvent. On a rien. J'étais avec mon neveu, qui est totalement Teflon. Il a 7 ans, on va au restaurant. Et puis lui, son gros plaisir, c'est de manipuler totalement ses parents et les adultes, parce que le terrain de jeu et d'évolution, du développement d'intelligence, le jeu pédagogique le plus adapté pour l'enfant Teflon, c'est le cadre. Il manipule tout ce qui est manipulable. Et plus tu l'aimes, plus tu te fais ramasser par un enfant Teflon, ça compte là-dessus. Alors, il est assis au restaurant avec moi, la serveuse, elle vient, la serveuse, elle a un grand nez. Alors, l'enfant Teflon, il la regarde, puis il dit, « C'est-tu que t'es laide, toi? » Normalement, les parents qui sont avec lui fondent, transpirent, essaient de compenser, expliquent à la femme qu'il est fou, quelque chose, tu sais, c'est pas bon. Sauf que l'enfant, lui, fait toujours ça. Et là, on va essayer de le culpabiliser. On verra tout à l'heure que l'enfant Teflon, pour l'éduquer, il faut que ça lui rapporte. Je ne peux pas éduquer un enfant Teflon en lui disant « Tu veux pas que tu déranges les autres? » Non. Moi, j'ai cessé d'écœurer les autres parce que je me suis rendu compte que je perdais d'énergie. J'ai cessé de les écœurer parce que je me suis rendu compte que ta-ta-ta-ta-ta. Lui écœure, là, puis il va se rendre compte, il va étudier, lui, qu'est-ce que ça m'a rapporté, puis il va voir si ça le rapporte, il va arrêter tout de suite. Mais tu devrais pas faire ça, voyons donc, tu peux l'envoyer au suicide. Il faut que ça aille râler et elle aide. Bon. Oui, mais non. Alors, comment on va éduquer l'enfant Teflon? On peut passer des années et des années à vouloir lui montrer à être écologique, à être social, à faire attention à autrui. Mais c'est quoi la raison intelligente? C'est ma faute, moi, si elle n'a pas suivi les thérapies pour supporter son nez. Moi, ce que je dis aux jeunes, premièrement, je lui ai dit là, La serveuse était là, elle me regardait. Tu sais, c'est de ma faute, hein? Je n'ai plus ça, tu sais. Principe de l'école, il recommence, hein? Si, vous avez grandi. On est parti, mon ami. Direct en arrière. Là, j'ai ramassé le jeune, puis on est parti nous autres aussi. Avant que le cuisinier arrive avec son grand couteau. Faire de la bouillie d'enfant. C'est quoi l'éducation là-dedans? Le jeune aura le temps d'apprendre à respecter ceux qui sont plus faibles psychologiquement. Il aura aussi le temps d'apprendre à être écologique avec l'extérieur, d'apprendre ce que c'est qu'une relation harmonieuse, d'apprendre à ne pas mettre le bordel partout pour le plaisir. Il aura le temps, l'enfant. Faites confiance à l'enfance. Ce qui est important présentement, c'est qu'on sorte avec lui. Parce que si chaque fois que je sors avec lui, on s'engueule, je peux même plus travailler avec lui. J'ai même plus de plaisir avec lui. Puis ses parents non plus, ils ne l'amènent même plus nulle part. Moi, je sors dehors, puis je lui dis « Hey, t'as rendu compte que t'as raison? » Ah, je comprends. Sauf que qu'est-ce qui te garantit qu'elle n'ira pas cracher 20 fois dans ta salade César avant de te l'amener? T'as pu jamais, jamais, jamais, jamais recommencer ce genre de truc-là dans les restaurants. Là, on va dire « Oui, mais c'est pas d'éducation, ça! » Ça, c'est ce que j'appelle, moi, de l'éducation. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est que l'enfer ait un cadre convenable. Il s'en rappelle. Si je suis toujours en train de m'engueuler avec lui parce qu'il arrive en retard, toute ma relation parent-enfant, professionnel-enfant, est totalement minée. Uniquement parce que pour des petits points, je mets l'importance catastrophique au lieu de m'occuper de me fier un peu sur l'enfant, de me fier qu'il va grandir, de me fier que merde, il va lire des livres, il va voir comment je travaille aussi, il va voir que j'ai des amis, il est intelligent, mais faites confiance à l'enfant. Alors au lieu de moraliser, culpabiliser, punir, chicaner, bref, tout ce qui à un moment donné va juste faire qu'on ne pourra plus se parler, ben moi je... réglé. Régler quoi? Régler que maintenant, on peut continuer à vivre ensemble. Si c'est moi le pédagogue, l'important, c'est que j'ai des relations avec celui que je veux pédagogiser, avec celui que je veux éduquer. Si mes relations sont continuellement brisées, coupées uniquement parce que... Bon, les professeurs me disent, « Ouais, mais tu sais, moi j'aimerais ça être en contact avec mes enfants. » Sauf que je dois appliquer des règlements. C'est ça qui est le problème. Vous êtes professeur, les enfants vous détestent à cause du cadre. Que vous vous faites les porte-paroles. À un moment donné, il faut que l'éducateur, le parent, comme le professeur, change un peu d'optique. Moi, quand je travaillais pour Urgence Santé, j'avais vu mon patron, puis je lui ai dit, je dois tant de journées de maladie par année, de temps en temps, je vais prendre, je te vertu, il m'a appelé, il m'a dit, je rentre pas, pourquoi, ça me tente pas. T'as pas le droit de faire ça. Il m'a appelé, il m'a dit, je suis malade, je rentre pas à matin. C'est correct, ça? Ah, ok, c'est correct. Là, je l'appelais, puis je lui disais, je rentre pas à matin. C'est ah bon, parce que ça va en campagne, c'est ça. Correct. Quand mes enfants ne voulaient pas aller à l'école, ils sont plus faibles que nous. Ils ont moins d'expérience que nous. Ils ont besoin de plus de repos que nous. En tout cas, on fait coucher de bonheur en maudit. Mais eux n'ont pas le droit à des journées de maladie scolaire. Puis le burn-out scolaire, ça n'existe pas dans la psychologie encore au niveau des enfants. Un adulte doit des années sabbatiques. Est-ce que ça va tout démolir sa vie? Ah, non. Un enfant, est-ce qu'elle doit une année sabbatique? Ça va bien trop déranger? Ah, OK. Et là, on va dire, c'est parce qu'il va perdre une année scolaire. C'est parce qu'il va ci, c'est parce qu'il va ça. Conservons chez lui le goût de la vie, le goût de la société, le goût de devenir un adulte, puis le goût d'aller à l'école. Mais on a tellement peur que l'enfant... Comme si notre société était tellement artificielle que le moindre moment qu'on le laisse libre d'être naturel, on a tellement peur qu'il décolle totalement, qu'il ne revienne plus. Ils vont faire un enfant loup, un enfant singe, un enfant ce que tu voudras. Alors qu'on applique, on met un carcan et on l'oblige à rentrer. Dans le système traditionnel, avec les enfants traditionnels, il n'y aura pas trop de problèmes. Ils vont crier, ils vont chioler, puis bon gré, mal gré, ils vont s'intégrer. L'enfant teflon, lui, il ne s'intégrera pas. Et là, si on ne comprend pas de quelle façon il fonctionne, puis qu'on continue à appliquer les solutions traditionnelles, ça décolle, on en fait un problème. Ce n'est pas de notre faute si on en fait un problème. Ce n'est pas de la faute des professeurs non plus, c'est la faute du cadre. Puis le cadre, bien que le cadre, ce soit un système, une structure collective, souvent, quand quand un cadre d'une structure collective, quand on a affaire à une structure collective, la problématique, ce qu'on va se dire souvent, c'est que moi tout seul, je peux pas tout changer. C'est pas une raison pour être d'accord avec l'enfant. C'est pas une raison pour être d'accord avec une vision intelligente de quelque chose. Les enfants n'ont pas toujours raison, mais bien souvent. Là, on va se dire, ouais, mais si je lui donne 5 journées de maladie par année, mon jeune, il va y prendre tout de suite, après ça, il faut que j'en donne d'autres après. Le faites-vous, ça? Vous le feriez. Bon, peut-être qu'il le ferait lui aussi. Sauf que vous avez un contrat avec votre patron. Puis un enfant Teflon, c'est facile d'avoir un compromis avec lui, une forme de contrat. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un enfant Teflon, si tu n'es pas respectable, par exemple, moi je fais la vaisselle le lundi, toi tu l'as fait le mardi, puis l'enfant l'a fait le mercredi, pour ça c'est à mon tour, etc. On a décidé qu'on faisait ça comme ça. Bon. Le mercredi, c'est le tour du jeune, le jeune ou la jeune rentre, puis elle dit, ah, soir, je suis trop fatigué, trop de devoirs, je peux-tu la faire demain? Ah oui, mais un cadre puis une loi, là, ça doit être régi par l'humain, pas l'inverse. Donc, on est souple, on va dire, ben, il n'y a aucun problème. Mais demain, t'es mieux de l'affaire. Le lendemain, fiez-vous sur l'enfant, il va se lever en retard. Il va être pressé. Puis la première fois de sa vie, c'est important qu'il arrive pas en retard à l'école. Bon. Là, pour nous, il faudra que ce soit pas grave qu'il arrive en retard à l'école. On va faire un papier avec plaisir, mais il va faire la vaisselle. L'enfant Teflon voit immédiatement que l'intervenant est respectable, c'est-à-dire qu'il se tient. C'est plaisant de vivre avec lui. Il va aimer ça automatiquement, faut pas avoir peur de perdre son amour, on va le gagner. Par contre, quand c'est ma journée à faire la vaisselle, puis que ça me tente pas, puis que je veux la faire le lendemain, je suis mauditement mieux de la faire moi aussi. Parce que là, plus jamais ce genre de contrôle-là va fonctionner avec mon jeune ou ma jeune. C'est fini. Et encore une fois, on va, c'est évident que c'est facile de dire que j'ai une bonne volée, puis... L'enfant Teflon, si vous voulez le tapocher un peu, espérons que sa génétique va faire qu'il va rester petit. Inscrivez-le pas à des cours de hockey, il va apprendre à se battre. Ou à des cours de judo ou de karaté. Parce qu'à un moment donné, ça va être problématique. Le temps débarrasser pendant qu'il est mineur. Ouais, c'est ça. L'enfant Teflon, ce n'est pas un problème. Mais ça, c'est vrai pour un enfant ancien aussi. Non. Pourquoi pas? C'est pour ça qu'il faut faire attention. On a une vision philosophique de la jeunesse qui n'est à peu près jamais appliquée dans la pratique. Philosophiquement, on devrait respecter tous les jeunes. Alors, quand votre fils ou votre fille va rentrer avec les cheveux coupés d'une façon absolument astrophysique, là, vous allez lui dire que c'est parce que vous l'aimez que vous lui dites qu'elle ne devrait pas faire ça. On devrait respecter les jeunes, hein? Mais là, on les respecte uniquement s'ils rentrent dans notre vision de la jeunesse. Donc, on les respecte pas pantoute. Mais philosophiquement, oui. Philosophiquement, on dit c'est parce que c'est important que l'enfant apprenne à arriver à l'heure. Parce que plus tard, combien d'adultes parmi vous ici avaient été punis parce que vous arrivez en retard, puis maintenant, vous travaillez, vous arrivez encore en retard. J'en connais, moi, qui commence à 10h, rentre à 10h05. Commence à 11h, 11h05. Commence à midi, 12h05. On les a punis toute leur jeunesse, on les a écœurés toute leur jeunesse, on les a écœurés d'école, on les a écœurés des adultes, on les a écœurés de plusieurs choses, puis il n'y a rien à faire, ça n'avait rien changé. Combien d'adultes, à un moment donné, ont rendu au cégep ou à l'université, ont séché des cours, ont pris des années sabbatiques, puis maintenant sont diplômés, puis s'ils ne sont pas diplômés, ils réussissent très bien leur vie. Mais si on les écœure dès le départ d'apprendre des choses, de fouiller dans une bibliothèque, de vouloir s'instruire dans un cadre, parce que c'est d'arriver à l'heure, c'est de pas... Moi, quand j'étais à l'école, je mangeais de la gomme, des grosses gommes, des gommes ballons en plus. Bon. Et puis, je me tenais toujours sur mes deux pattes arrière de ma chaise, puis je grouillais sans arrêt. Parce que fallait que le sang circule dans mon corps physique, il n'y avait rien à faire. Puis manger de la gomme, ça me relaxait. Les adultes, les autres, ils mangent des cigarettes, ils fument des cigarettes, ça, ils relaxent, bon, ils mangent des bonbons, pas pire. Sauf que le professeur considérait que pour qu'un enfant apprenne des matières scolaires, plus il est inconfortable, plus il va apprendre. Moi, c'est ce que je voyais, moi. Pourquoi? Parce qu'il fallait que j'aille mes quatre pattes à terre, que je bouge pas de gomme dans la bouche. Alors que de temps en temps, j'aurais même fait une petite promenade dans la classe. Je me rassois. Oui, mais je dérange tout le monde. Alors, vous avez 5 minutes de promenade dans la classe. Après ça, on se rassure, on continue. Mais non, ils ne voudront plus arrêter après. Change de professeur. Il n'est pas respectable. Il y a besoin de règlements puis de cadres pour qu'on le respecte. il manque beaucoup de choses. Ouh, faut que le professeur ou le parent apprenne d'autres facettes de ce que c'est qu'un enfant teflon. L'enfant teflon, ça s'éduque si on lui donne des raisons intelligentes, pas des raisons émotives. Pourquoi il faut aller à l'école? Parce que c'est la loi. Oh, parce que ça me plaît. Oh, parce que plus tard, l'enfant teflon vit dans l'immédiat terme, il a besoin de résultats immédiats. Tout le système scolaire est basé sur le long terme. Il faut lui donner des raisons à court terme. Il faut que l'enfant se plaise d'aller à l'école. L'enfant teflon, on va reparler, on va avoir une heure. L'enfant teflon doit se plaire. L'enfant teflon, bien, si on veut travailler avec lui, on doit fonctionner plus avec la logique. De toute façon, on fait une petite pause. On va résumer un paquet de solutions en commençant la deuxième partie. Puis on va répondre aux questions que vous avez posées. Pause de 15-20 minutes, il y a des papiers à l'extérieur, on peut écrire. À tantôt.